السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألف لا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فهاتان الآيتان الكريمتان بينت لنا أن الابتلاء سنة الله سبحانه وتعالى في عباده. الله سبحانه وتعالى nous dit dans son livre: est-ce que les gens pensent que nous allons les laisser dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui étaient avant eux, ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Et Allah nous dit dans un autre verset, toujours selon le sens rapproché: celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir lequel d'entre vous sera le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant et le pardonneur. Donc, par sa sagesse, sa science, Allah subhanahu wa ta'ala éprouve ses serviteurs. Par ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tabaraka wa ta'ala éprouve ses serviteurs par le bien et par le mal, par la santé ainsi que la maladie, la pauvreté et la richesse. Et dans tout cela, il y a une épreuve pour le fils d'Adam. Et cela vaut pour l'ensemble de ses créatures, les meilleurs comme les prophètes et messagers, les saints et les pieux, et ceux qui sont à un niveau moindre. L'ensemble des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien tous ses serviteurs, sont donc sujets à l'épreuve. فَيَبْتَلِي مَنْ شَاءَ بِالصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ بِالْفَقْرِ وَالْغِنَى. Allah subhanahu wa ta'ala يقول في كتاب الكريم: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Allah nous dit également dans son livre: toute âme doit goûter à la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien. Et dans tout cela, il y a une tentation. et c'est vers nous que vous serez ramenés. Wa kullu musibatin muqaddara min 'indillahi subhanahu wa ta'ala. Wa hadha qabla khalqi as-samawati wal arda kama dhukira fi hadith. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Et sachez que tout ce qui se passe dans les cieux ou sur terre, comme bien ou comme mal, a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela avant la création des cieux et de la terre. Allah nous dit, nous avons créé toutes choses avec mesure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a conseillé Ibn Abbas radiallahu anhu, dans le hadith connu, Ya Ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillah yahfazk, à la fin du hadith, il lui dit, وَعَلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْتِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Abbas radiallahu anhuma, et sache que tout ce qui t'a touché ne pouvait t'éviter. Et tout ce qui ne t'a pas touché ne pouvait te toucher. C'est-à-dire que personne ne sort du destin. Personne ne sort de ce qui a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا مَا قُدِّرَ عَلَى الْعَبْدِ شِدَّةٌ أَوْ مُصِيبَةٌ عَلَيْهِ أَنْ يُقَابِلَ عَلَيْهِ أَنْ يُقَابِلَهَا بِالصَّبْرِ وَالتَّسْلِيمِ لِأَمْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْكَوْنِ. وَقَدْ بَيَّنَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ أَنَّ هَذِهِ الْبَلَايَا قَدْ تَنْقَلِبُ فِي حَقِّ الصَّالِحِينَ نِعْمَةً التنقلب في حق الصالحين نعمة لما يعطيهم الله سبحانه وتعالى من انشراح الصدر والأجور العظيمة. Et lorsque la personne est touchée d'un malheur, lorsqu'elle est touchée d'une épreuve, elle se doit d'affronter cela avec patience, d'accepter le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se soumettre à sa volonté. Et Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala nous dit, et par moments, les épreuves pour les pieux peuvent se transformer, les épreuves, c'est-à-dire les malheurs, pour les pieux et les gens bien, peuvent passer de l'étape du malheur à l'étape du bonheur. Comment cela? Car la personne patiente, et Allah subhanahu wa ta'ala la récompense avec d'énormes choses, et lui donne la tranquillité du cœur. قال الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Et la personne, pour pouvoir patienter, il faut qu'elle se rappelle les récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservées et promis à ceux qui sont patients. À cet effet, Allah nous dit dans son livre, certes, Allah va récompenser les patients d'une récompense sans compter. Al-Allamah ibn Uthaymeen rahimallahu ta'ala nous dit, ici Allah n'a pas cité la récompense. Ici Allah n'a pas cité 10 récompenses ou 20 ou 100. Cela nous prouve que la récompense est énorme. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Et celui qui croit en Allah, Allah guidera son cœur. Al-Allama Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Najdi rahimahullah ta'ala a mis ce verset dans le chapitre de la patience, dans son livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Puis il a cité le tafsir de Al-Qama rahimahullah ta'ala, qui nous dit, c'est la personne qui a été touchée d'un malheur. Elle a su que cela lui venait de son Seigneur Allah, elle a donc patienté, Allah a donc guidé son cœur. ويقول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Allah nous dit dans son livre, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais l'annonce aux endurants. Annonce la bonne nouvelle aux endurants. Ceux qui, lorsqu'ils sont touchés d'un malheur, disent « Inna lillah ». C'est à Allah que nous appartenons. Nous sommes des serviteurs d'Allah. Wa inna ilayhi raji'un. Et c'est vers lui que se fera notre retour. Allah annonce la bonne nouvelle à ces gens-là en disant à ceux-là, ou bien ceux-là auront les prières d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah les citera en bien, Allah fera leurs éloges auprès des anges rapprochés, comme cela a été cité dans Sahih al-Bukhari, la parole d'Abu al-Aliya. Zakara dhalika al-Bukhari mu'allaqan. Donc Allah va faire l'éloge des patients. Allah va citer leurs qualités auprès des anges les plus rapprochés. Wa rahma, et Allah leur fera miséricorde. Wa ulaika humul muhtadun, et voici les bien guidés. Allah va leur permettre de rester fermement cramponnés sur le bon chemin à la sunna de son messager. Donc voici la récompense de ceux qui se montrent patients. Wa akhraj al-imam Muslim rahimahullah ta'ala min hadith Suhayb radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle du croyant qui a confiance en Allah, qui croit au destin et qui sait que tout ce qui le touche lui provient de son Seigneur, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le sage, l'affectueux, subhanah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme est étonnante l'affaire du croyant. Tout ce qui le touche est un bien pour lui. Et cela n'est valable que pour le croyant. Si un bien le touche, il se montre reconnaissant. Et cela est un bien pour lui. Si un mal le touche, si un malheur le touche, il se montre patient. Et cela est un bien pour lui. فَهَكَذَا يَكُنْ مَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ مَهْمَا حَصَلَ لَهُ وَهَذَا لِعِلْمِهِ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدَّرَ مَقَادِرَ الْأُمُورِ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ولعلمه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فإذا علم العبد أن الله من أسمائه الرحمن الرحيم اللطيف الحكيم الودود الرؤوف التواب الغفار أورثه ذلك الاطمئنان أورثه ذلك السكينة أورثه ذلك الصبر والتسليم واليقين والتوكل على الله رب العالمين. La personne à qui Allah a voulu le bien se montrera patient dans tous ses états. Et la clé de la patience est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui connaît Allah à travers ses noms et ses attributs, puis agit selon ce qui découle de cette connaissance, recevra que du bien dans ce bas monde, dans sa tombe et dans l'au-delà. Et lors d'une épreuve, rappelez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parmi ses noms Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, celui dont la miséricorde englobe toute chose, Ar-Rahim, celui qui fait miséricorde à ses serviteurs, Al-Wadud, l'affectueux, celui qui comble ses serviteurs de ses bienfaits afin qu'ils l'aiment, ou bien celui qui aime ses serviteurs pieux. Al-Hakim, le sage, celui qui met chaque chose dans leur endroit le plus adéquat. Et beaucoup de ses noms et ses attributs font que la personne patiente. Patiente pourquoi? Car elle sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il fait, il fait avec science. Lorsqu'il agit, il agit avec science et avec sagesse. وَمِمَّا يُعِينُكَ يَا أَمَتَ اللَّهَ عَلَى الصَّبْرِ العلم بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عظم أجور الصابر عند الابتلاء. Et parmi les choses, comme on a cité, qui vont vous aider à patienter, le fait de méditer et de connaître la grande récompense qu'Allah a préparée pour les patients. Et un point très important qu'on cite ici, أن الابتلاء لا يستلزم البغض من الله سبحانه وتعالى. الابتلاء لا يستلزم عدم محبة الله سبحانه وتعالى لعبده. Et un point très important, souvent on entend des gens se plaindre lorsqu'ils sont éprouvés et disent mais je n'ai pas fait tel péché, ou lorsqu'Allah récupère l'âme de leur enfant, ils disent mais il était bien, il ne faisait pas de mal, pourquoi Allah ne nous a pas aimés, et d'autres paroles provenant de gens ignorants. Sachez que l'épreuve, lorsque vous êtes touché d'un malheur ou d'une épreuve, cela ne veut pas dire qu'Allah ne vous aime pas. Cela ne veut pas dire qu'Allah ne vous aime pas. Bien au contraire, les textes nous montrent que lorsqu'Allah aime une personne, il l'éprouve. Yusib min, comme cela est venu dans un hadith. وقد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء بعظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit, la grandeur de la récompense est proportionnelle à la grandeur de l'épreuve. Et lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui agrée cela recevra l'agrément. Et celui qui se met en colère et se révolte recevra la colère. De ce hadith-là, on tire que l'épreuve n'est pas un signe révélateur du fait qu'Allah n'a pas aimé son serviteur. Bien au contraire. La personne qui est éprouvée, on voit en cela un signe qu'Allah a voulu son bien. Et c'est pour ça que les salafs, lorsqu'ils étaient en bonne santé pendant un long moment, et lorsqu'ils n'étaient pas touchés de malheur, lorsqu'ils n'étaient pas touchés de pauvreté et d'autres choses, ils se posaient des questions et avaient peur de ne pas faire partie des bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on regarde la plupart des gens au jour d'aujourd'hui, on voit qu'ils se comportent différemment. Lorsqu'ils sont touchés d'un malheur, ils se posent des questions. Et lorsqu'ils vivent fi afia wa sa'a, ils ne se soucient pas de savoir quelle est leur place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lamma kana al-anbiya uhabba an-nas ila Allah subhanahu wa ta'ala saru ashaddahum bala'an. Et les créatures et les gens les plus aimés chez Allah subhanahu wa ta'ala sont les prophètes et les messagers. Et c'est pour cela qu'ils ont reçu les épreuves les plus lourdes. Lamma sa'ala Sa'd ibn Abi Waqas radiyallahu anhu Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam qailan ya Rasul Allah ayyun nasi ashaddu bala'a. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس أخرجه الإمام أحمد وهو حديث حسن. Le prophète صلى الله عليه وسلم fut questionné, ô messager d'Allah, quelles sont les personnes les plus éprouvées? Le messager d'Allah a répondu, les prophètes, puis les gens saints, les pieux, puis ceux qui sont rapprochés le plus d'eux, et ainsi de suite parmi les gens. Donc plus la personne a une place chez Allah, plus il l'éprouve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la personne est éprouvée proportionnellement à la force de sa foi. Si elle est forte dans son iman, dans sa foi, alors on l'éprouve encore plus. Et ses épreuves seront lourdes. Et si elle a une faiblesse dans sa foi, on l'allège. Donc cela nous prouve que la personne qui est éprouvée, c'est celle qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laqad ibtuliya nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ببلايا عديدة فذاق كلا من الجوع والفقر كذب وشتم ضرب ورجم مرض وسحر عليه الصلاة والسلام. ونزد على ذلك أنه نشأ يتيما وهذا ابتلاء عظيم. كون المرء لم يعرف والدي هذا ابتلاء بلا شك. ثم بعد ذلك فقد جده وعمه، وزيد على ذلك أنه فقد أي ماتت زوجته خديجة أم جل أولاده، وهي التي نصرته وأعانته بنفسها ومالها، ولما ماتت حزن عليها حزنا شديدا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la créature la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la créature qui a eu le plus grand rang chez Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour cela que c'est celui qui a reçu les épreuves les plus lourdes. On a cité auparavant le verset dans sourate al-Baqara qu'Allah va éprouver serviteur par la fin jusqu'à la fin du verset. Ben sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu toutes ces épreuves. Il a connu la pauvreté, la faim. On l'a démenti, on l'a insulté. On l'a même frappé, agressé. On lui a jeté des pierres. Il a goûté à la maladie. Et même à la sorcellerie. Et pour revenir, et pour commencer par le début, sachez qu'il a grandi orphelin. Il a grandi orphelin, et cela sans aucun doute est une grande épreuve. Puis il a perdu son grand-père, puis son oncle, et toute personne s'est occupée de lui. À l'âge de 25 ans, il a épousé Khadija bint Khuwaylid radiallahu anha. Celle-ci l'a aidé de la meilleure façon. Une femme qui a donné sa vie, son argent et sa personne pour secourir son bien-aimé, prophète et messager et cher époux. Elle a dépensé tout son bien, tous ses biens pour secourir l'islam et son mari. Et lorsqu'il est revenu de la grotte, lorsque pour la première fois il a reçu la révélation, les cinq premiers versets de Sourate Iqra, il est revenu et était apeuré. Il tremblait et avait peur. Et c'est elle qui l'a aidé, l'a secouru, l'a tranquillisé, puis allé chercher son cousin, Waraqa, afin de l'aider. C'est elle qui a été la cause de l'ensemble de ses enfants, excepté Ibrahim, qui est le fils de Maria, la copte. Donc, pratiquement tous ses enfants sont le fruit de Khadija, radiallahu anha. Et que pensez-vous de l'amour d'un homme qui a une femme de la sorte? Sans aucun doute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a aimé énormément. Car c'était une femme modèle, une femme pieuse, une femme pure, dévouée à son mari, puis par la suite dévouée pour l'islam, à l'islam. Et il a perdu cette femme-là de son vivant. Il a donc été très triste, et cela est encore une épreuve qu'a reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et personne ne peut savoir la douleur de perdre un être cher qui a cette valeur-là, sauf celui qui a déjà vécu cela. ونزيد على ذلك أنه مات ماذا جميع أو جميع أولاده صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها في حياته. On ajoute une épreuve au combien immense la perte des enfants. Ben sachez que le prophète صلى الله عليه وسلم a perdu l'ensemble de ses enfants et les a vus mourir de son vivant, excepté Fatima, qui est morte quelques mois après lui, sallallahu alayhi wa sallam, et qui est la première à l'avoir rejoint, sallallahu alayhi wa sallam. ونخصو قصة وهو أو وهي قصة إبراهيم ولده لما مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إن العين تدمع وأذكر لكم هذه القصة لنعلم جميعا صبر النبي صلى الله عليه وسلم عند الابتلاء فقال إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا ويجوز أن نقول ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإن بفراقك لمحزونون كذا تأدب مع قدر الله النبي صلى الله عليه وسلم سيد الصابرين. Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a perdu son fils Ibrahim, il a dit: certes, les larmes coulent et le cœur s'attriste, mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Et nous sommes certes attristés de nous séparer de toi, ô Ibrahim. Et si vous voulez un exemple chez les autres prophètes, lisez l'histoire de Yusuf alayhi salam et de son père Yaqub. Prenez le Coran et lisez surat Yusuf, cette magnifique histoire. Et dans celle-ci, on a cité beaucoup d'épreuves. L'histoire de Yaqub alayhi salam, lorsqu'il a perdu son enfant qui était son préféré de par ses qualités. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte cela dans le Coran en nous disant que cette épreuve a été tellement lourde que Yaqub alayhi salam en a perdu la vue, tellement il a pleuré et tellement il a été attristé. ذهب بصره لشدة الحزن على فقد يوسف. Et lorsque ses frères sont revenus, il l'avait laissé pour mort. Il l'avait laissé dans un puits en pensant que soit il allait mourir de la sorte, soit il allait être récupéré par des gens. Yusuf, Yaqub alayhi salam, s'est donc attristé, a été énormément triste et il s'est mis à pleurer. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ كَذَا قَالَ رَبُّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ. Et il y a aussi l'histoire de Yusuf avec ses frères. L'histoire de Yusuf, lorsqu'il a été éprouvé par Imratul Aziz, par la femme de l'Aziz qui a essayé de commettre l'adultère avec lui, mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé. Un homme qui est exilé loin de son peuple, personne ne le connaît. Une femme de haut rang, noble, qui vient pour essayer de commettre le péché avec lui. Et il a fait comme Allah, comme le prophète sallam nous a décrit, les gens qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, le jour où il n'y aura pas d'autre ombre, il lui a dit « Inni akhafullah ». Il a eu peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'est sauvé d'elle. Elle a tout tenté afin de commettre le péché avec lui, mais Allah l'a préservé. Et sans aucun doute, il y a une épreuve énorme dans cela. Il a été éprouvé par la gérance et beaucoup d'autres épreuves. Et je vous laisse revenir à cette sourate là. Wa min akbari ma yusibu ar-rajul الأذى في سبيل الدعوة إلى الله وتوحيده سبحانه وتعالى. Et parmi les plus grandes épreuves, ce qui peut toucher la personne lorsqu'elle appelle les gens à revenir vers Allah, lorsqu'elle appelle les gens à unifier Allah d'un culte sincère, lorsqu'elle appelle les gens à adorer Allah d'un culte sincère. lorsqu'elle les appelle à faire la prière, à suivre la sunna du prophète sallam et délaisser toute innovation, lorsqu'elle appelle au noble caractère, au bon comportement, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que toute personne empruntant le bon chemin sera éprouvée. Toute personne empruntant le bon chemin sera éprouvée. Et particulièrement ceux qu'ils appellent à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أشد ما أصابه فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد يوم عليه كان يوم دعوته لأهل الطائف فلم يستجيب دعوته صلى الله عليه وسلم بل استقبلوه بالأحجار وبسوء التصرف lorsque عائشة رضي الله عنها a questionné le prophète صلى الله عليه وسلم sur le jour le plus dur qu'il a rencontré. Il lui a répondu: c'est le jour où je suis parti appeler les gens de Taif à l'islam. Savez-vous comment ils ont répondu à l'appel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Les nobles de cette ville ont ordonné aux faibles d'esprit et aux jeunes de cette ville-là de prendre des pierres et tout ce qu'ils pouvaient trouver pour jeter cela au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et agresser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nombreux sont les ahadiths qui nous montrent cela. Et à la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu des coups au visage, au point où on lui a cassé des molaires. Kusirat ruba'iyatu wa sala damu sharif sallallahu alayhi wa sallam. Son casque lui est rentré dans les joues et il a perdu plusieurs dents. Et son noble sang a coulé, sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela dans le chemin de l'appel des gens vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré toutes ces épreuves, il n'a jamais faibli dans le message. Et il n'a jamais dit pourquoi cela me touche. Il ne s'est jamais plaint. Et lorsqu'on regarde les gens aujourd'hui, et vu que cette kalima est en premier lieu destinée à nos chers sœurs fillah, et là on dira, et lorsque nous regardons les femmes musulmanes, et même les pieuses parmi elles, peu sont celles qui ne se plaignent pas de jour comme de nuit. Soit de la vie qu'elles mènent, du train de vie qu'elles mènent, soit de leurs époux, soit de leurs parents, soit de leur pauvreté, soit de ça, soit de ça. Et lorsqu'on compare leurs épreuves aux épreuves du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve qu'elles vivent dans un bienfait. Mais ne se rend compte de ce bienfait-là que celle qui le perd. Que la femme battue, que la femme divorcée avec beaucoup d'enfants, que la femme qui perd ses parents, et j'en passe. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم على وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون أي صبر هذا. أبو مسعود رضي الله عنه نودي c'est comme si je voyais le messager d'Allah devant moi. Lorsqu'il racontait l'histoire d'un prophète, parmi les prophètes qui a été agressé par son peuple, au point de faire couler son sang, et il essuyait son visage. Il essuyait le sang de son visage en disant: « Oh Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. » Muttafaqun alayh. C'est-à-dire, cela a été rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. هؤلاء هم أولياء الله صفوة خلقه subhanahu wa ta'ala. Wa min afdali sifatihim as-sabr wa at-taslim wa ar-ridha li amri Allahi al-kawni jalla wa az. Yudrabun wa hum yuqabiluna dhalika bis-sabr. بالثبات على الحق بالاستمرار على الدعوة إلى الله بل بالصفح والعفو مع الدعاء لأقوامهم. Regardez cette chose étonnante. Ce prophète-là se fait agresser au point où son sang a coulé. Est-ce qu'ils l'ont agressé car il avait une mauvaise chose? Non. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Il vient pour les appeler à l'islam, les faire sortir des ténèbres vers la lumière, les faire sortir de l'enfer vers le paradis, leur donner la belle vie dans ce bas monde, dans leur tombe et dans l'au-delà. Et regardez comment cela les accueille en les insultant, en leur jetant des pierres, en faisant couler leur sang. Et ces prophètes-là disent: Ya Allah, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Est-ce que nous, on arrive à faire ça avec les propres personnes de notre famille lorsque nous sommes éprouvés par eux? Est-ce qu'on arrive à faire ça avec les gens de notre foyer? Chaque personne connaît la réponse en ce qui la concerne. Ces prophètes-là ne se sont pas arrêtés à là. Ils ont excusé leur peuple. Leur ont pardonné et ont même fait dua pour eux. Et au jour d'aujourd'hui, lorsque tu vois deux sœurs se disputer, t'entends l'une dire à l'autre: Wallahi, je ne te pardonnerai pas jusqu'à Yawm al-Qiyama. Et je me servirai de tes hasanat Yawm al-Qiyama. Alors que c'est sa sœur fillah. Alors que peut-être c'est ses parents. Alors que peut-être c'est ses frères. Alors que peut-être c'est son mari. Alors que peut-être c'est son enseignante, son ami, sa camarade. Qui se prosterne pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme elle se prosterne, elle n'arrive pas à trouver cette miséricorde et ce pardon et ces invocations pour sa sœur, or que ces messagers-là ont trouvé cela pour leurs ennemis, pour ceux qui ont fait couler leur sang. Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit: Ja'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yusalli 'inda al-bayt ay amam al-ka'ba. ولما سجد وضع رجل من قريش سلا جزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه وهم يضحكون من هذه الفعلة الشنيعة والرسول صلى الله عليه وسلم ساجدا لرب العالمين لا يتحرك لا يرفع رأسه حتى جاءت بنته فاطمة رضي الله عنها فطرحت أي أزالت على ظهره. متفق عليه. Ibn Mas'ud رضي الله عنه nous raconte une autre épreuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam en nous disant: Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu en face de la Kaaba. Il y avait les nobles de Quraysh parmi les mécréants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié en face de la Kaaba. Et les gens de Quraysh se sont consultés en disant: qui est-ce qui va aller prendre le placenta? Le placenta de la chamelle de telle famille qui vient de mettre bas. Et c'est connu que le placenta de la chamelle a une odeur nauséabonde. Et c'est une chose contenant des impuretés. Alors, une des personnes de Quraysh est partie récupérer cela, wal'iyazu billah, est venue avec le placenta de cette chamelle. Pour faire quoi? Ils ont attendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterne, soit en prosternation, en sujoud. Ils sont venus et ont déposé cela sur le dos, entre les épaules du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il était prosterné pour le Seigneur des mondes, ils ont mis cela sur son dos. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ensuite, ils se sont mis à rire de la situation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne relevait pas sa tête, ne s'est pas laissé distraire de l'adoration, de l'unicité de son Seigneur, et il est resté prosterné. Ibn Mas'ud se plaignait de sa faiblesse devant Kuffar Quraysh, car il était faible, il ne pouvait intervenir, sinon il lui aurait fait du mal et aurait porté atteinte à sa vie. Jusqu'à ce que Fatima radiallahu anha, cette femme pieuse, cette femme courageuse, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidatu Ahli al-Jannah, est venue en courant et a enlevé cela du dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez l'épreuve qu'a reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il se prosternait. Et regardez l'épreuve qu'a reçu Fatima radiallahu anha. Quelle épreuve pire que de voir son père, la meilleure créature, recevoir ou bien se faire agresser par des gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu d'autres épreuves. Il a été éprouvé dans son honneur lorsque la tête des hypocrites, Ibn Ubay ibn Saloul, a colporté sur l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam en parlant sur Aïcha radiallahu anha, la femme préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant qu'elle avait commis le péché avec sa foi en un sahabi radiallahu anhu. Aïcha a reçu cette épreuve-là immense, au point, comme elle nous le dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu la trouver, il lui a dit: Ya Aïcha, si ce qu'ils disent est véridique, repens-toi à Allah subhanahu wa ta'ala et effacera ton péché. Et si tu es véridique, alors Allah te secourera. Oh, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors à ce moment-là, ses parents lui ont dit: Ajib et Rasulallah, réponds au messager d'Allah. Alors Aïcha radiallahu anha a dit: Ya Abati, Ajib Rasulallah, ô mon père, réponds au messager d'Allah. Il lui a dit: Je ne sais pas quoi dire, ô ma fille. Puis elle a dit: Ya Ummi, Ajib Rasulallah. Sa mère a dit: Je ne sais pas quoi dire. À ce moment-là, elle nous dit: Alors mes larmes se sont mises à couler. Alors mes larmes se sont mises à couler. Elle a placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous, une femme pieuse, pure, en plus de cela, l'épouse de la plus grande personnalité, accusée d'adultère. Et elle sait pertinemment qu'elle n'a pas fait cela. Plus encore, comme Allah dit dans le Coran, Ghafilat. Elle est carrément distraite de ce qu'on dit sur elle. Elle, ça, cela n'a même pas traversé son esprit, ni son cœur. Tellement elle était pieuse et pure. Alors elle s'est mise à pleurer, des jours durant. Puis elle nous dit: Jusqu'à ce que mes larmes ont cessé. C'est-à-dire, je n'avais plus de larmes. J'ai tellement pleuré que je n'avais plus de larmes. Et les gens disaient cela dehors. Et elle a appris cela par d'autres personnes, elle était ignorante de ce qui se disait sur elle. À la fin, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé du Coran pour innocenter cette femme, pieuse cette femme pure. Allah a défendu l'honneur de Aïcha radiallahu anha dans le Coran qu'on lira ila Quraib al-Sa'a. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu la trouver. Il lui a annoncé la bonne nouvelle. Alors ses parents lui ont dit: Lève-toi et va vers le messager d'Allah, remercie-le. Elle a dit: Je me lève pour personne si ce n'est pour Allah. C'est lui qui m'a innocent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été réjoui de sa parole, car c'est une parole qui provient d'un cœur rempli d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela est une épreuve énorme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi et que Aïcha radiallahu anha a réussi. Wabtouya bil faqr, le prophète sallam a reçu comme épreuve également la pauvreté. Par moments, il ne trouvait même pas de quoi nourrir ses invités. Un jour, il y avait un invité, il a envoyé les compagnons chez une de ses épouses pour lui demander est-ce qu'elle avait quelque chose pour accueillir son invité. Elle a répondu, nous n'avons que de l'eau. Ensuite, chez une deuxième épouse, puis une troisième, elles ont toutes répondu la même chose. Que de l'eau, et Allahu Alam peut-être des dates. Alors le prophète sallam a dit, qu'est-ce qui va accueillir l'invité du messager d'Allah? Des gens, ou bien une personne parmi les sahaba a dit, Ana ya Rasulallah, moi au messager d'Allah. Il a couru chez lui et parti dire à son épouse, nous avons l'invité. Nous avons l'honneur d'avoir l'invité du messager d'Allah. C'est nous, c'est nous. Elle lui a répondu, Wallahi, nous n'avons rien dans la maison si ce n'est le repas des gens. Regardez la pauvreté qu'ils ont connue. Ensuite, il lui a dit, ça n'est pas un problème. Il a placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et lui a dit, lorsque je vais ramener cet invité-là, fais dormir les enfants. Occupe-les jusqu'à les faire dormir. Ensuite, mets la table. Et lorsque nous allons commencer le repas, fais tomber la lanterne afin que nous soyons dans le noir. Est-ce que cette femme-là a dit, tu honores ton invité et tu laisses mes enfants le ventre vide? Est-ce que cette femme-là a dit, et moi qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que cette femme-là s'est plainte de la situation qu'elle traversait avec son mari? Non. Mais elle a su que ce bas monde-là n'était qu'une passade. Elle a su que la demeure qui restera est l'au-delà. Elle a pris cela comme une occasion de se rapprocher de son Seigneur. Et elle s'est soumise à l'ordre de son mari. Lorsque l'invité est venu, elle a fait ce qui a été prévu. Et l'invité mangeait, était en train de manger en pensant que l'homme mangeait avec lui. Le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu voir cet homme-là en se réjouissant et en lui disant « Abshir, faqad ajiballahu min sani'ikuma » Bonne nouvelle à toi, Allah s'est étonné de ce que toi et ton épouse avez fait. Subhanallah. Un autre jour, Omar radiallahu anhu est rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a vu allongé sur des feuilles de palmier en guise de matelas. La meilleure créature d'Allah dormait sur un matelas qui était fait de quoi? De feuilles de palmier tissées. Lorsque Omar radiallahu anhu a vu ça, il s'est mis à pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis et lui a dit « Malaka ibn al-Khattab, que t'arrive-t-il, ô Omar ?» Omar lui a dit « Ô messager d'Allah, voici Kisra et voici Qaisar, c'est-à-dire les rois des plus grandes puissances, chez les Romains et autres, les Perses. Les ruisseaux coulent sous leurs pieds. Ils ont toutes les richesses et toi tu es le messager d'Allah et l'excellence parmi sa création. Et voici ce que tu possèdes. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ô Omar, n'agrées-tu pas que ces gens-là partent avec ce bas monde-là et qu'Allah nous réserve l'au-delà ?» Alors Omar a agréé cela. Alors Omar radiallahu anhu a agréé cela. Et le prophète par moment sallallahu alayhi wa sallam sortait la nuit car il avait mal au ventre, tellement il avait faim. Et il trouvait Omar... Et il trouvait d'autres parmi les sahabas. Et les gens lui disaient, « Ya Rasulallah, qu'est-ce qui t'a fait sortir à une heure tardive ?» Il leur répondait la même chose qui vous a fait sortir. La faim. Et Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle racontait la situation à son neveu, Maza ibn Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhuma, il lui a dit, « Oh ma tante, mais de quoi est-ce que vous vous nourrissez alors ?» Elle lui a dit, Aswadan. Elle lui a dit, des dattes et de l'eau. Et par moment, pendant 3 lunes, on n'allumait pas la cheminée. 3 lunes, c'est-à-dire durant 3 mois, il n'y avait pas de nourriture à faire cuire. Quelle personne pourrait supporter ces épreuves-là? si ce n'est celle qui a su que cela nous venait d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah est plus miséricordieux envers elle que la propre personne envers elle-même. Et parmi les plus lourdes épreuves, la maladie. La maladie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été touché de la maladie. Et combien sont les appels que nous recevons d'hommes et de femmes touchés par une maladie très difficile qui est la sorcellerie. Et combien sont les gens qui, lorsqu'ils sont touchés de ce mal-là, se dirigent à droite, à gauche. Ils avancent et reculent et oublient de se diriger vers celui qui est au-dessus de son trône, au-dessus de cette sur Allah, Rabbil Alamin. Ils oublient de lever leurs mains vers celui qui ne dort jamais, vers celui qui est le vivant, qui ne meurt pas, subhanahu wa ta'ala, vers celui qui entend tout et qui est doux et miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été touché de la sorcellerie d'une femme juive et il ne l'a même pas assassiné, pas il ne l'a même pas fait tuer par la suite. Il a patienté sur cela et cela est même la cause de sa mort sallallahu alayhi wa sallam après quelques temps. Et un exemple parmi les gens qui ont été touchés de la maladie, une femme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme noire qui était touchée de crise d'épilepsie, soit par un djinn ou autre, car il y a plusieurs sortes. Elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: ô messager d'Allah, invoque Allah afin qu'il me guérisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: si tu veux, j'invoquerai Allah afin qu'il te guérisse. Et tu guériras, incha'Allah. Et si tu veux, tu patientes, voilà qu'il jannah. Et tu auras en récompense le paradis. Elle lui a dit: je choisis donc la patience au messager d'Allah. Mais lorsque j'ai ces crises-là, je me découvre. Alors invoque Allah afin que je ne me découvre pas lors de mes crises. Allahu Akbar. Shughluha sharil wa hammuha al-haya wa hijabuha. Subhanallah. Elle lui a dit: lorsque j'ai ces crises-là, je me découvre. Invoque donc Allah afin que je ne me découvre pas lors de ces crises. Où avez-vous vu une femme touchée d'une lourde maladie dont le seul souci est de ne pas montrer son corps et ses cheveux à un homme étranger? Son seul souci à cette femme-là était de ne pas faire tomber son hijab lorsqu'elle était malade, lorsqu'elle avait ses crises, lorsqu'elle était attaquée. Subhanallah. Et tu trouves au jour d'aujourd'hui des femmes saines d'esprit, saines dans leur santé, et pourtant, elles se permettent de sortir, marcher sur la terre d'Allah, en contradiction avec ce qui plaît à Allah, comme tenue. Wala hawla wala quwwata illa billah. Lorsque vous entendez l'histoire de cette femme, comment est-ce que la femme qui ne porte pas le hijab, qui ne porte pas le djilbab, ou qui se voile comme il lui plaît à elle, mais pas en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment cela est possible alors que cette femme-là, son seul souci était de ne pas faire tomber son hijab? La femme a l'ordre de se couvrir de la tête aux pieds. Il y a une divergence en ce qui concerne le visage et les mains. Mais ce sur quoi il n'y a aucun doute, c'est que de mettre un simple foulard sur la tête avec une robe de maison, cela n'est pas suffisant et n'est pas agréé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shay'u bi shay' yudhkar. Et cela m'amène à un autre sujet qui s'est répandu, et c'est une fitna, un ibtila qui touche les femmes de cette communauté au jour d'aujourd'hui. C'est le fait de mettre des vestes cintrées au-dessus de leur djilbab. Et comment est-ce qu'on pourrait unir entre le feu et l'eau, entre la sunna et la bid'a, entre ta'a et le ma'asiyah? Cela n'est pas permis. Quand bien même on serait en hiver, des femmes mettent des vestes cintrées au-dessus de leur djilbab. Pire que cela, des femmes, a'azallahu qadrakun, portent des sacs en bandoulière, ce qui laisse apparaître leur forme, wal'iyadu billah. Certaines femmes, douées de pudeur, n'osent même pas faire apparaître ces formes-là devant leur mahal. Comment est-ce qu'une femme qui craint Allah et qui espère sa rencontre le jour dernier peut faire cela? Cela est une parenthèse. Et on demande à Allah qui guide, qui nous guide et qui guide nos sœurs, afin qu'elles mettent, qu'elles sortent, lorsqu'elles sortent, habillées convenablement. Une épreuve qui a touché le prophète Ayyub, car nous sommes toujours dans la maladie. Il a été malade durant de nombreuses années et ne s'est jamais plaint à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les épreuves sont nombreuses, et les histoires et les exemples également. Et pour illustrer tout ça, je vais vous parler d'un prophète qui est le deuxième meilleur des prophètes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Il a reçu d'énormes épreuves. Après avoir cité les exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voici les exemples qui ont touché le prophète Ibrahim alayhi salam. Il a été éprouvé, et cela, je cite cela, ou je commence par cela, pour renforcer, comme je le peux, nos sœurs converties à l'islam. Nos sœurs, où Allah a vu du bien dans leur cœur, il les a donc purifiées de la mécréance et du shirk, et les a fait rayonner de par leur conversion à l'islam. Beaucoup d'entre elles sont éprouvées par un père kafir, par un père non musulman, qui leur a déclaré la guerre à partir du moment où elles ont décidé de ne se prosterner que devant Allah et de ne suivre que la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certaines parmi elles ont même été virées de chez elles, wal'iyadu billah. Combien sont les sœurs qui nous ont appelées pour nous dire « Mon père m'a mis à la porte, ma mère m'a frappé, et j'en passe. » Sachez que ceux qui vous ont devancé dans cela sont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été viré de la Mecque et s'est retrouvé à Médine. Sachez que ceux qui vous ont devancé dans cela, et dans ceux qui vous ont devancé dans cela, il y a le prophète Ibrahim alayhi salam. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم في سورة مريم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Maryam nous raconte l'épreuve d'Ibrahim avec son père, l'épreuve d'un enfant musulman avec un père non musulman. Il est venu le trouver et lui a dit: « Oh mon père, pourquoi est-ce que tu adores ce qui ni n'entend ni ne voit et ne te sert à rien, ne peut être profitable ? Oh mon père, m'est venue une science que tu ignores. Suis-moi et je te guiderai sur le droit chemin. Oh mon père, n'adore pas le shaitan, car le diable a été désobéissant en tout miséricordieux. Oh mon père, j'ai peur que ne te touche un châtiment du tout miséricordieux et que tu fasses partie des alliés du diable. » Regardez comment son père lui a répondu. Est-ce que tu te détournes de nos divinités, ô Ibrahim? Si tu n'arrêtes pas, je te lapiderai et tu t'éloigneras de moi pour un long moment. Il y a une grande épreuve dans cela pour Ibrahim. Il appelle son père à l'islam, à la ilaha illallah, au tawhid, et son père se moque de lui. Et son père le menace de l'agresser et de l'exiler très loin de lui. Et son père lui ordonne d'arrêter de faire da'wa ila tawhid. Dans tout cela, il y a des épreuves pour l'enfant musulman de la part de son père qui n'est pas musulman. Ibrahim a été également éprouvé avec son peuple lorsqu'il est resté ferme dans sa religion et a refusé l'adoration des idoles. Pourtant, son père est celui qui faisait ces idoles-là et les vendait. Allah dit dans le Coran, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّ بِهِ عَالِمِينَ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِي مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا بي على عيون الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ما أعظم كلام رب العالمين. Allah nous raconte l'histoire d'Ibrahim avec son peuple. Lorsqu'ils l'ont invité à leur Eid, à leur fête païenne, il a prétexté la maladie et a refusé d'y aller. Lorsqu'ils sont partis, il est parti casser leurs idoles et a laissé la plus grande. Puis lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit, qui est-ce qui a fait ça à nos divinités, les serfs parmi les injustes? Il est certes parmi les injustes. Il parle d'Ibrahim alayhi salam. Ensuite, ils ont ramené Ibrahim, ils ont débattu avec lui. Et lorsqu'ils ont vu qu'il est resté fermement accroché au tawhid, accroché à la ilaha illallah et à l'islam, ils ont comploté contre lui. Ils ont allumé un feu énorme. Au point, les historiens ont dit qu'il a fallu une catapulte pour pouvoir le jeter dans le feu. Ensuite, ils l'ont pris et ils l'ont jeté dans le feu. Et comme dit Ibn Abbas, il a dit « Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Au moins, ils l'ont jeté dans le feu. « Allah me suffit » et quel bon gars. Il a placé toute sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a cherché l'aide qu'auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah a ordonné au feu de devenir prêcheur salutaire pour Ibrahim. Et Ibrahim a été épargné de toute brûlure et de tous les maux. Voici comment Ibrahim a été éprouvé par son peuple et comment est-ce qu'il est resté ferme, accroché à sa religion. Ibrahim a été éprouvé de par son épouse ou avec son époux, Sarah. Et Sarah a été éprouvée par la jalousie et par l'épreuve de la polygamie. Lorsque elle n'a pas réussi à avoir d'enfant et a donc donné Hajar à Ibrahim et d'elle il a eu Ismaïl. Imaginez la lourdeur qui a pu s'installer dans le cœur de Sarah. Et cette jalousie naturelle qui touche la femme. Mais elle a patienté dans son épreuve. Et Hajar a eu une épreuve énorme lorsque Ibrahim l'a laissé à Mecca. Par l'ordre de son Seigneur. Fi wadin ghayri dhi zara. Dans une terre ne comprenant aucune culture. Il n'y avait ni eau, ni il n'y avait pas d'eau, il n'y avait personne. Ibrahim a laissé Hajar avec son enfant, son nouveau-né Ismaïl, qu'il a tant attendu toutes ces années. Il l'a eu à un âge avancé. Allah lui a ordonné de partir. Ibrahim a donc laissé auprès de Hajar une gourde d'eau et des dattes. Comme cela est venu dans Sahih al-Bukhari, le hadith Ibn Abbas. Ensuite, il est parti et s'est dirigé vers son Seigneur. Lorsqu'il est parti, Hajar l'a suivi en marchant derrière lui. Il lui a dit, « Ya Ibrahim, aïna tazhabu wa tatrukuna bihada alwadi alladhi laysa fi insan. Insun wala shay. » Elle lui a dit, « Où est-ce que tu vas en nous laissant ici sur une terre où il n'y a ni, où il n'y a personne et il n'y a rien ?» فقالت له ذلك مرارا. Elle a répété cela. Et dans cela, il y a une épreuve énorme pour Ibrahim alayhi salam. Car lorsque une femme que nous aimons nous parle avec des paroles aussi douces, dans une situation aussi dure, sans aucun doute le cœur de la personne s'effrite. Et il y a une douleur énorme qui s'installe. Et le fait qu'elle répète cela nous montre la douceur qu'elle avait envers lui, l'amour qu'elle avait envers lui. Et cela ne fait qu'ajouter une épreuve pour Ibrahim alayhi salam. Ensuite, il ne se dirigeait pas vers elle, il ne la regardait pas. Il se dirigeait vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, elle lui a dit, « Allahu alladhi amaraka bihada. Est-ce Allah qui t'a ordonné cela ?» Faqala na'am. Il lui a dit oui. Faqalat idhan la yudayyuna. Elle a répondu, alors Allah ne nous abandonnera jamais. Subhanallah. Elle a réussi son épreuve. Elle ne s'est pas plainte. Elle a patienté à placer sa confiance en Allah. Et a même renforcé son mari dans son épreuve. Et combien sont les femmes qui sont elles la cause de la perte de la piété de leur mari? Car elle les détourne de la religion d'Allah pour les faire entrer dans la dunya. Va travailler de jour comme de nuit et arrête tes cours. Ensuite, tu vois l'homme s'éloigner petit à petit de la mosquée. S'éloigner petit à petit des cours, des assises de science, pour rester auprès de son épouse, auprès de ses enfants et sa famille. Alors sa foi baisse. Alors son comportement baisse. Et ça finit mal, et cette femme était loin d'imaginer les répercussions d'affaiblir la foi de son mari. Regardez ici Hajar, elle a renforcé son mari dans sa mission, en lui disant Allah ne nous abandonnera pas. En d'autres termes, ne te soucie pas de nous, va et fais ce qu'Allah t'a commandé, et nous Allah va nous secourir. Et dans cela il y a une épreuve immense pour Hajar, car elle aimait la bonne compagnie. Et puis à la fin de cette histoire là comme beaucoup doivent connaître, Allah subhanahu wa ta'ala envoya un ange qui de son aile, c'était Jibril, a creusé, a fait sortir la source de l'eau qui s'appelle Zemzem, que vous connaissez tous. Et donc, Ibrahim alayhi salam a reçu toutes ces épreuves-là et a réussi ces épreuves-là. Et la dernière épreuve que je vais citer, qui a touché Ibrahim, c'est l'épreuve avec son fils Ismaïl. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a montré en rêve, à plusieurs reprises, en train d'égorger son fils. Il est parti voir Ismaïl alayhi salam et lui a dit, « Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma'adha tara. » Oh mon fils, je me vois, inni ara, wa hadha fi'lun mudari'a. ويدل على الاستمرار في الشيء أي رأى مرارا في منامه أنه يذبح ولده إسماعيل. Je me vois en songe souvent train de t'égorger. Qu'est-ce que tu penses de cette vision-là? Ismaïl a réussi son épreuve en disant يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Oh mon père, fais ce qui t'a été commandé. Tu me trouveras, si Dieu veut, parmi les patients. Ibrahim a donc parlé à son fils avec ces paroles douces. Oh mon cher fils, je me vois en train de t'égorger. Et lorsqu'il a dit Ya Abati, les gens du tafsir ont dit, c'est comme s'il avait dit, oh mon fils, je t'aime. Mais Allah m'a commandé une chose, qu'est-ce que tu en penses? Et son fils lui a répondu, Ya Abati. Ya Bunay, il lui a répondu, Ya Abati. C'est comme s'il avait dit, et moi aussi mon père, je t'aime. Mais quand même, fais ce qui t'a été commandé. Et lorsqu'il lui a dit, fais ce qui t'a été commandé, il lui a pas dit, égorge-moi. C'est comme pour lui dire, mais sois sincère lorsque tu fais ton acte. Fais cela, intithal li amrillah. Ensuite, il l'a pris, l'a attaché et s'est apprêté à l'égorger. À égorger son fils qu'il a eu un âge avancé. Son fils qu'il aimait énormément. Et lorsqu'ils ont tous deux réussi leur épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala a remplacé cet acte-là par l'immolation d'une bête. Et dans ça, il y a une preuve que il y a dans la difficulté une facilité, il y a dans la difficulté une facilité. Pour une difficulté, sachez qu'Allah vous facilite deux facilités, comme la Balagha 2, ce verset, nous indique. Car al-usr est venu ma'rifa. Et al-yusr est venu nakira. Donc, la facilité ici n'est pas la même dans les deux versets. Par contre, la difficulté est la même dans les deux versets. Donc, pour une épreuve, sachez qu'Allah vous fera suivre cela de deux facilités. Et il y a beaucoup de bien dans les épreuves. Parmi ces bienfaits-là, Allah fait la distinction entre les gens bons et les gens mauvais, entre le véridique des menteurs, comme on a resté dans le début de sourate Al-Ankabut. Parmi les bienfaits de l'épreuve, c'est qu'Allah pardonne les péchés des gens. Au point le prophète sallam nous dit, il y a pas un mal qui te touchera. À la fin, il nous dit, même le moustique qui te pique. Par cela, Allah t'efface tes péchés. Parmi les bienfaits des épreuves, l'élévation au paradis. Le prophète sallam nous dit, Allah veut donner une grande place au paradis. Mais le serviteur ne fait pas ses actions. Il ne peut pas atteindre ces grands degrés par ses actions à lui. Alors Allah l'éprouve jusqu'à lui faire atteindre ces hauts degrés du paradis. Donc Allah purifie la personne, élève ses degrés par ses épreuves. Et une des grandes sagesses des épreuves, c'est le fait qu'on se rende compte de notre faiblesse. Et que nous sommes juste des simples créatures d'Allah. Et sans l'aide d'Allah, nous ne pouvons rien faire. Alors on va s'humilier devant Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'on est malade, on voit que nous sommes que des serviteurs d'Allah et que nous avons besoin d'Allah. On revient donc vers lui, vers la soumission, vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah... وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah dit dans le Coran qu'il va nous toucher par les petites épreuves avant les grandes afin qu'on revienne vers lui avec de par son adoration, la soumission et le repentir. Donc toutes ces épreuves là ont touché les meilleurs de la création. Et nous maintenant, lorsque nous sommes touchés d'épreuves, on doit prendre ces gens-là en exemple. On doit patienter dans nos épreuves. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander de nous accorder la patience et de nous récompenser pour ces épreuves-là. Et je conclue en disant que les gens dans l'épreuve se divisent en quatre. La première catégorie, Ahlut Tasakhut, ceux qui se mettent en colère contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux-là sont les pires des gens. Ils restent dans leurs problèmes et perdent toutes les récompenses. Na'udhu billah an nakuna ma'a. La deuxième catégorie, as-sabirun, les gens patients. Ils se soumettent au décret d'Allah, savent que ça vient d'Allah, ils ont mal au cœur, mais ils patientent. Ceux-là ont rempli leur obligation. Et cela est le niveau obligatoire. La troisième catégorie, ahlur rida, ceux qui agréent cette épreuve-là. Ils savent que ça vient d'Allah. Ils acceptent leur épreuve et sont satisfaits de ce que Allah a décrété pour eux. Et savent que c'est un bien pour eux. Et au-dessus de cela, Ash-Shakirun, ceux qui vont remercier Allah de les avoir touchés de ce malheur-là. Car ils ont la certitude qu'Allah va élever leur degré par cette épreuve-là, effacer leurs péchés et que Allah ne leur a voulu que le bien dans cette épreuve-là. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous pardonne tous nos manquements et notre manque de patience lors des épreuves et qu'il nous remplace cela par une patience et une certitude quant à sa promesse. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. As'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yudkhilana al-jannah wa an yaghfira lana wa liwalidina wa an yashfiya lana ومرضى المسلمين والحمد لله الذي بيتتم الصالحات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك